بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 9 dans l'explication du livre Sharh Usul al-Iman, l'explication des fondements de la foi, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, avec les clarifications de Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et on est toujours dans le chapitre ou dans la section qui parle de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh, il énumère des hadiths qui parlent des noms et des attributs d'Allah. Et actuellement, on est dans la section ou le chapitre qui explique la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Cheikh, il a cité maintenant un hadith. À la suite des hadiths précédents sur la miséricorde, il continue donc, il dit, donc juste pour être sûr que on est toujours dans le même, oui c'est ça, dans le même sujet. Donc le cheikh il dit, wa an Anas radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna al-kafir idha amila hasanatan, ud'ima biha tu'matan fi dunya. وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته رواه مسلم. Donc ici le cheikh il a cité ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Selon Anas radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le kafir fait une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala va le nourrir, hein, pour cette bonne action-là dans la dunya. Il dit, tandis que le croyant, Allah subhanahu wa ta'ala lui met cette bonne action-là qu'il fait en réserve pour lui, pour l'au-delà. Et il lui fait suivre également dans cette dunya une subsistance pour cette obéissance qu'il a faite. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant ce hadith, qu'est-ce que ça signifie. Il dit, في هذا الحديث بيان الفرق بين المسلم والكافر من حيث إن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا بأن أطعم جائعا أو كسى عاريا أو سقى عطشان ونحو ذلك من الأعمال الداخلة في باب الإحسان إلى الناس فإنه إن كان هذا العمل من كافر فإن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل ولهذا فإنه سبحانه يعجل له جزاءه فيعطى بها طعمة في هذه الدنيا إما بأن يطيل في عمره أو بأن يوسع له في رزقه أو غير ذلك من مصالح الحياة الدنيا لأنه سبحانه لا يظلم أحدا فهذا المراد من قوله صلى الله عليه وسلم أطعم بها طعمة في الدنيا. Donc le cheikh il explique que dans ce hadith il y a la différence entre le musulman et le non-musulman sur le plan des actions, des bonnes actions qu'ils font. Donc le kafir, lorsqu'il fait une bonne action dans cette vie d'ici-bas, hein, par exemple, il va nourrir quelqu'un qui a faim, il va vêtir quelqu'un qui est nu, il va abreuver quelqu'un qui a soif, ou des actions de ce genre qui font partie des actions de la bienfaisance envers les gens, eh bien, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, même si cette action-là est faite de la part d'un mécréant, un kafir, Allah, il ne va pas faire perdre la récompense la valeur de cette action-là. Même si c'est un kafir, il est juste. Hein, il ne va pas lui faire d'injustice. C'est-à-dire qu'il va, malgré qu'il est mécréant, il va quand même lui donner une récompense pour cette action-là. Sauf que cette récompense-là sera uniquement pour ce qu'il a fait dans cette dunya et ce sera seulement une récompense dans cette dunya. Donc, c'est comme s'il lui précipite sa récompense tout de suite. Dans ce bas monde. Parce que dans l'au-delà, étant donné qu'il est kafir, il n'aura aucune récompense, il va être dans le châtiment éternel. Donc il va recevoir, ou bien Allah va lui nourrir, ou va lui donner de la nourriture dans cette dunya à cause de cette bonne action-là qu'il a faite. ou bien il va lui prolonger sa vie, ou bien il va lui donner plus de subsistance, ou il va lui donner un bienfait parmi les bienfaits de cette vie d'ici-bas. Et ça, c'est parce que Allah ne fait d'injustice à personne. Et c'est ça la signification de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit « On va le nourrir. Hein? On va le nourrir dans cette dunya. » « Amma al-mu'min fa'innahu iza amila al-hasanat fa'innallaha yajma'u lahu bayna khayray al-dunya wa l'akhira fa'yaddakhiru lahu hasanatihi fi l'akhira li'anna jaza' l'akhira khayrun wa ahsan ولا يحرمه أيضا من الجزاء في الدنيا بل يعجل له شيئا من الجزاء في هذه الحياة الدنيا من سعة الرزق والصحة والعافية فهو سبحانه يعطي المؤمن على حسناته في الدنيا والآخرة لكنه سبحانه يعطي في الآخرة أكثر مما يعطيه في الدنيا وهذا بخلاف الكافر فإن الله يعطيه في الدنيا أما في الآخرة فإنه سبحانه يحرمه من رحمته وجنته وهذا ما يدل عليه المفهوم من الحديث. Donc si vous avez froid, on peut fermer le truc juste dans le bureau, il y a la commande, allez la chercher, puis comme ça on peut éteindre l'air climatisé. Donc le cheikh il dit, tandis que le croyant, si il fait une action qui est bonne, Allah subhanahu wa ta'ala va lui réunir les biens de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Et il va lui mettre donc en réserve les bonnes actions qu'il a faites pour l'au-delà. Et il va également lui donner une récompense dans cette dunya aussi. Mais la récompense de l'au-delà, elle est plus grande et elle est meilleure. Allah va lui précipiter quelque chose de cette récompense dans cette vie d'ici-bas, en lui donnant par exemple plus de subsistance, ou en lui donnant la santé, ou en lui donnant le pardon ou des choses de ce genre. Donc il va donner aux croyants de ses bonnes œuvres qu'il a fait, des récompenses pour ses bonnes œuvres dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, tandis que il va recevoir plus dans l'au-delà que ce qu'on lui a donné dans cette vie d'ici-bas. Donc le croyant, il reçoit plus dans l'au-delà que dans cette vie d'ici-bas. Contrairement au mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne tout dans cette vie d'ici-bas. Tandis que dans l'au-delà, il n'aura rien. Il va être privé de sa miséricorde et de son paradis. Et c'est ce qui est indiqué par la compréhension du hadith en question. Donc ça veut dire que le kafir, lui, il n'y aura pas de quand il fait une bonne action, eh bien, c'est la récompense pour cette bonne action-là, c'est dans cette vie d'ici-bas qu'il va la recevoir seulement. C'est-à-dire que dans l'au-delà, il n'aura pas de hasanat. Ah, okay. Oui, tu sais pourquoi? Parce qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans plusieurs versets que lorsqu'il arrive au jour de la résurrection avec une montagne de hasanat, eh bien, elle est soufflée par un vent fort, comme une tornade qui vient éparpiller complètement cette montagne de bonnes hasanat qui devient comme de la poussière, soufflée par le vent. Et donc, c'est pour ça que le mécréant, même s'il a fait beaucoup de bonnes œuvres, à cause de sa mécréance rend ses œuvres vaines. Et c'est ça qui est mentionné dans le Coran, dans plusieurs versets. Et il dit « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا » Donc tout ce qu'ils ont pu faire comme action, c'est frappé comme de la poussière éparpillée par le vent. D'accord? Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il compare même les actions des mécréants à un mirage. Ils marchent vers ça, ils marchent vers le mirage, ils pensent qu'ils auront une récompense, puis quand ils arrivent, ils réalisent qu'il n'y a rien. Donc c'est ça la réalité des œuvres des mécréants. Aussi, il a décrit les actes des mécréants comme de la poussière éparpillée par le vent, et dans l'autre verset comme un mirage. مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب. سراب c'est le mirage. Et l'autre verset, مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد. Comme de la poussière, de la cendre soufflée par le vent. Donc dans les deux cas, peu importe qu'est-ce qu'ils font, Allah dit habitat a'maluhum, leurs œuvres ont été rendues vaines. Donc même s'ils ont été les gens les plus généreux au monde, ceux qui donnent beaucoup d'argent pour aider les pauvres, ceux qui donnent pour construire des écoles, des hôpitaux, des maisons, des choses pour les gens qui n'ont rien, et ils font beaucoup de bonnes œuvres, hein, et puis dans l'au-delà, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont... Mais dans cette dunya, Allah peut les récompenser en leur donnant plus des bonnes choses. Naam. Après, le cheikh, il dit, « Wa fil hadith, kadhalika bayanu sa'ati fadlillahi azza wa jal, hatta innahu yashmalu a'da'illah al-kuffar, fahuwa subhanahu yarzuquhum wa yun'imuhum, aw yun'imu alayhim fi hadhihi al-dunya, wa يعني يصح أبدانهم وهذا كله من إحسانه وفضله سبحانه وتعالى فلا يعاجلهم بالعقوبة ولكنهم إذا ماتوا على كفرهم فإنهم لا ثواب لهم في الآخرة. Donc il dit le cheikh que dans le hadith il y a également ce qui indique la largesse de la grâce d'Allah et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala sa grâce, elle est tellement grande qu'elle comprend même ses ennemis. C'est-à-dire qu'il fait même de ses grâces à ses ennemis, hein, parmi les mécréants. Ceux qui croient pas en lui, hein, qui le nie, hein, qui refuse de se soumettre à lui, alors que c'est lui qui les a créés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est même patient avec eux. Il a de la miséricorde envers eux. Dans cette dunya, et il leur donne de ses grâces. Et même que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si cette vie d'ici-bas avait la valeur de l'aile d'une mouche, il n'aurait même pas donné à un mécréant une goutte d'eau. Si cette dunya, elle avait la valeur de l'aile d'un moustique, hein, il n'aurait même pas donné à un mécréant une gorgée d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette dunya pour Allah, elle n'a pas de valeur. Hein? Elle n'a même pas la valeur de l'aile d'un moustique. Yani, ba'ouda, c'est le moustique. Parce que al-dhubab, c'est la mouche, et al-ba'ouda, c'est le moustique. Donc al-ba'ouda, yani, c'est le moustique. Naam. Janaha ba'ouda. Donc ici, le cheikh, il dit... Hein, que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne de la subsistance. Hein? Il leur donne à manger, il leur donne à boire, il leur donne de l'air pour respirer, il leur donne de la chaleur du soleil, hein? Il leur donne des vêtements, il leur donne des maisons, il leur donne des voitures, il leur donne de l'éducation, il leur donne toutes sortes de grâces dans cette dunya, alors qu'ils ne le méritent pas, hein? Ils ne méritent rien. Parce qu'ils refusent de se soumettre à lui et de croire en lui. Mais Allah, il leur fait... Hein, quand même des exemples de sa grâce et de sa bonté envers eux, il leur donne tout ça et il fait même qu'ils soient en bonne santé et que leur corps soit pas malade, hein, ou des choses de ce genre. Tout ça montre la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grâce envers ces créatures là et en plus de ça, malgré leur mécréance, il leur précipite pas le châtiment immédiatement, hein. Tu vois qu'ils vivent parfois plusieurs années, même des fois des centaines d'années. Et Allah, il les a pas châtiés. Hein? Pourquoi? Parce que leur châtiment, il les attend dans l'au-delà. De toute façon. Même si, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des juifs, « Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin » Ils souhaiteraient pouvoir vivre 1000 ans. Hein? Tellement ils aiment la dunya. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرْ. C'est-à-dire que malgré qu'il vit longtemps, même s'il arrivait à vivre 1000 ans ou 2000 ans, ça ne va pas le sauver du châtiment de vivre plus longtemps. Donc tôt ou tard, il va être châtié. Et c'est ça que le cheikh dit. Donc quand ils vont mourir sur la mécréance, eh bien ils n'auront aucune récompense dans l'au-delà. Nasallallahu al-afiyah, qu'Allah... Hein, nous fasse mourir sur la foi. Le cheikh, il dit, ensuite, maintenant, on passe à un autre chapitre. Ma ja'a fi ithbati sifati rida lillahi ta'ala. C'est-à-dire ce qui a été rapporté au sujet de l'affirmation de l'attribut de l'agrément et de la satisfaction pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le fait que Allah agrée et est satisfait de certaines actions ou de certaines personnes et ainsi de suite. Et là, le cheikh il a cité comme exemple le premier hadith. Il dit « Walahu anhu marfu'an inna Allah la yarda min al-abd ya'kulu al-akalata fayahmaduhu alayha wa yashrabu al-shurbata fayahmaduhu alayha. » Le cheikh il dit que l'imam muslim, il a rapporté le hadith. L'imam muslim, il a rapporté le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est satisfait du serviteur qui mange quelque chose et qui le glorifie pour cette nourriture qu'il a mangée ou qui boit quelque chose et qui glorifie Allah pour ce qu'il a bu. » D'accord? Donc ça veut dire que Allah il a comme attribut le fait d'être satisfait et d'avoir l'agrément. Et le cheikh il explique ça. Et il dit « Wa fil hadith wasfu Allah azza wa jal bil rida wa huwa sifatun yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Fa qawluhu wal yarda aw liyarda an al 'abd yani yarda an al 'abd alladhi yashkuru an-ni'am. Wa fi hadha mashru'iyatu ash-shukri wal hamdu lillahi 'azza wa jal. Fa idha akala يعني يقول الحمد لله وإذا شرب يقول ذلك كما أنه عند البداية يقول بسم الله وهذا من آداب الإسلام لأن هذا الأكل وهذا الشرب لم يصل إلى الإنسان إلا بفضله سبحانه وتعالى فهو الذي خلقه ويسره وهو الذي مكن العبد منه وهو الذي ينفع به إذا أكل وشرب فيغذي العبد به ويخلصه من أذاه فكل هذا ونحوه من فضله وكرمه سبحانه وتعالى فإذا ما أكل وشرب العبد وشكر الله على ذلك فإنه سبحانه وتعالى يرضى عنه. ففي هذا الحديث إثبات صفة الرضا لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل وفيه بيان مشروعية حمد الله على الأكل والشرب. Regardez ici qu'est-ce que le cheikh il explique. Il dit que dans ce hadith, il y a la description d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ayant l'agrément et la satisfaction. Et c'est un attribut qui convient parfaitement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui correspond à sa perfection, à sa grandeur et à sa majesté. Yani, contrairement aux gens de bid'a, comme les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, qui n'affirment pas cet attribut à Allah, malgré qu'elle est mentionnée dans le Coran et qu'elle est mentionnée dans la Sunna. Mais c'est ça la réalité des gens de bid'a, c'est que quand ils suivent leur passion et qu'ils ont été aveuglés par leur passion, eh bien, ça les amène même à nier ce qui est clair dans la révélation. Et ils disent, non, l'agrément, ce n'est pas l'agrément, mais c'est la volonté. Ils interprètent l'agrément par la volonté. Alors que l'agrément, c'est une chose, et la volonté, c'est une chose. Si Allah voulait dire la volonté, il aurait dit la volonté. Et si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait voulu dire la volonté, il aurait dit la volonté. Il n'aurait pas dit l'agrément ou la satisfaction. Donc ici, le cheikh il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est satisfait de son serviteur qui est reconnaissant envers les grâces que Allah lui donne. Tout ce que tu possèdes, ô serviteur d'Allah, tout ce que tu as dans cette dunya et même des choses que tu as que tu ne sais même pas que tu as ou des choses que Allah t'a données que tu ignores même, eh bien Allah te l'a donné. Ça ne mérite pas que tu sois reconnaissant. Bien sûr que ça demande que tu sois reconnaissant. Beaucoup d'enfants, parfois, tu leur expliques l'importance d'adorer Allah. Et des fois, ils ne comprennent pas. Et même une fois, il y a un frère qui m'avait posé la question. C'est un frère qui était nouveau dans la pratique, commençait à pratiquer la religion. Il me dit, mais mon frère, c'est quoi qui fait que toi, tu vas continuer toujours à être persistant et consistant dans la prière, par exemple? Parce que peut-être que Lui, il a de la difficulté à rester constant dans la prière. Il va prier une journée, deux journées, trois journées. Après ça, il va manquer quelques prières encore. Puis il va revenir, puis il manque, puis il revient, puis il manque. Il dit, c'est qu'est-ce que tu fais pour que tu sois toujours constant dans la salat? Eh bien, j'ai dit, Akhi, comment tu pourrais ne pas être constant dans la salat lorsque tu te rappelles constamment que tout ce que tu possèdes et tout ce que tu as comme grâce dans cette dunya, c'est Allah qui te le donne. Est-ce qu'il ne mérite pas que tu sois reconnaissant envers lui pour tout ça? Juste ça, ce n'est pas suffisant pour que tu sois constant dans l'adoration pour ton Créateur? Hein? Donc ça, c'est important aussi. Tu dis ça aux enfants, tu dis, écoute, tout ce que tu possèdes dans cette dunya, que ce soit même, imagine, 5 secondes, imagine que Allah subhanahu wa ta'ala, il coupe l'oxygène sur la terre pendant 1 minute ou 2 minutes. Comment on va être comme des poissons quand ils sont sortis de l'eau? Hein? On va tous être là en train de mourir là, hein? Jusqu'à ce que l'oxygène revienne. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a donné cet air. Hein? La lumière du soleil, s'il n'y a pas de chaleur, tout meurt sur la terre. Hein? Les plantes, elles peuvent seulement rester vivantes avec la chaleur. L'hiver, elles meurent. Hein? Et nous, l'hiver, on goûte à ça. Parce qu'ici, au Canada, on a l'hiver. Hein? Et on goûte à ce froid. On ne pourrait pas survivre si ça descendait beaucoup plus. Hein? Arrivé à 40 degrés, là, on est vraiment mal. Ça fait très mal, le froid. C'est une grâce que Allah nous donne la chaleur. C'est une grâce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la lumière. Vous imaginez s'il faisait toujours noir? Si on vivait constamment dans la nuit, s'il n'y avait jamais de jour, on ne pourrait même pas vivre. Tout ça, c'est Allah qui te le donne. Tu ne vas pas être reconnaissant envers Allah. La nourriture que tu manges, les goûts qu'il a créés dans la nourriture, hein? Les goûts qu'il a créés dans chaque fruit. Chaque fruit qui goûte un goût différent que l'autre. Alors que l'eau qu'il a abreuvée, c'est la même. Mais ce fruit, il a un goût. L'autre, il a un autre goût. L'autre, il a un autre goût. Chaque fruit, il a son goût différent. Hein? Et yani, les légumes qu'il a créés, la même chose. Les épices qu'il a créées. Tu prends cette épice, tu mets dans la nourriture, ça goûte quelque chose. Tu mets une autre épice, ça goûte une autre chose, différente de ce que tu goûtais au début. Oui, bon, tout ça c'est pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a créé les choses. Hein? Comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé yani, les goûts dans les différentes viandes que tu manges. La viande des différents poissons, la viande des différents animaux, la façon de les cuire chacun. Pour arriver à un différent résultat, les différents cafés, hein, que Allah a créés, les cacao que Allah a créés, qui donnent des chocolats ou des choses qu'on fait avec. Toutes ces grâces-là que Allah nous donne, yani subhanallah. Et puis les gens, ils se demandent, hein, pourquoi je devrais adorer Allah? Pourquoi je devrais être constant dans l'adoration d'Allah? Bon, on n'a même pas touché à la surface, hein? On n'a même pas égratigné la surface, là, on vient juste de mentionner juste quelques exemples, là. Mais comme tu dis, la grâce de la foi, ça c'est la plus grande, la grâce de l'islam, il n'y en a pas plus grand que ça. Et Allah il dit dans le Coran, « وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا » Je vous jure, si on reste ici assis pendant toute la journée, toute la nuit, même jusqu'à la semaine prochaine, on ne pourra même pas finir d'énumérer les grâces que Allah nous a faites. Même si on restait pendant des mois comme ça en train de juste énumérer les grâces d'Allah. Hein? Donc, il ne faut pas yani, rester comme ça et être ingrat. Il faut être reconnaissant. Et le mécréant, il est ingrat envers son Seigneur. Il n'est pas reconnaissant envers son Seigneur. Hein? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de son serviteur lorsqu'il est reconnaissant. Et peu importe, yani, à quel point on pense même avoir été reconnaissant envers Allah, on n'aura jamais été suffisamment reconnaissant. Même si on passait la journée à prier, et les nuits à prier, et les jours à jeûner, pendant des années et des années, ce sera jamais assez pour être assez reconnaissant pour tout ce que Allah nous a donné. C'est pas suffisant. Et c'est pour cette raison-là que personne ne peut entrer au paradis par ses propres actions. On peut uniquement rentrer au paradis par la grâce d'Allah. Et quand les sahaba, ils ont demandé, hein, Aïcha radiallahu anha, elle a dit, oh, messager d'Allah, même toi, oh, messager d'Allah, tu ne rentres pas au paradis par tes actions? Elle a dit, même moi, excepté si Allah me couvre de sa grâce et de sa miséricorde. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Et donc, le cheikh, il dit, ça, c'est la preuve qu'il est légiféré de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu manges, tu dis Alhamdulillah. Lorsque tu bois, tu dis Alhamdulillah. Hein? Et au début, avant de faire quelque chose, tu commences, tu dis Bismillah. Ça fait partie de l'éthique de l'islam et des bonnes manières de l'islam. Il dit, parce que cette nourriture que tu manges et ce que tu bois, c'est uniquement arrivé à toi par la grâce d'Allah. Tu ne pourrais pas l'obtenir sans la grâce d'Allah. Et c'est lui qui t'a créé et qui t'a facilité hein, tout ce que tu possèdes. Et c'est lui qui a permis au serviteur de pouvoir obtenir ce qu'il a. Et c'est lui qui fait profiter à l'être humain de ce qu'il possède et de ce qu'il mange et de ce qu'il boit et qui nourrit le serviteur et qui le débarrasse de tout ce qui est nuisible pour lui dans son corps. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, même si tu manges, hein, tu dis, je mange la nourriture nourrissante et les bonnes nourritures qui sont pour ma santé. Je mange des bonnes choses. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il fait en sorte que même si tu manges les meilleures choses pour la santé, il n'y a pas un des nutriments que tu manges qui va rentrer dans ton corps. Même si tu l'as mangé. Il y a des gens, ils mangent et leur corps n'est pas capable d'absorber les nutriments, les choses qui sont bonnes pour la santé, parce que leur estomac et leur intestin ne fonctionnent pas comme il faut. Ils mangent, ça passe et ça sort. Ça passe tout droit. Et peut-être qu'ils devraient profiter de tous les vitamines, et les nutriments, les protéines, et toutes les bonnes choses qu'il y a dedans. Et pourtant, ils n'en profitent pas beaucoup parce que leur intestin, il ne marche pas bien. Hein? Donc finalement ils deviennent faibles et pourtant ils mangent beaucoup et puis ils deviennent faibles. Pourquoi? Parce que leur système ne fonctionne pas bien. Si ton système il est capable de bien fonctionner, c'est par la grâce d'Allah. Hein? Tout ce qui arrive dans ton corps, c'est par la grâce d'Allah. Des fois tu es avec ta voiture, tu roules hein, sur la route. Qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas une vis quelque part dans ta voiture qui est en train de qui est mal ajustée? À n'importe quel instant, elle peut se détacher puis tomber. À n'importe quel instant, tu peux perdre contrôle de ta voiture et tu te retrouves dans le décor. Qu'est-ce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, justement, c'est lui qui t'a fait cette grâce pour que, justement, tu sois sauvé? Il n'y a pas longtemps, il y a eu une grosse explosion à Beyrouth. Hein? Et ça a vraiment fait beaucoup de destruction. Les gens ont dit, oh, regardez! Comment ces choses-là ont été entreposées pendant presque 10 ans. Pendant 10 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde à ces gens-là. Ça aurait pu exploser n'importe quel moment avant. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné que ça allait arriver ce jour-là, à cette heure-là, et pas avant. Mais sinon, hein, les gens, ils vivaient tous les jours, ils passaient à côté d'une bombe. Et ils ne pensaient même pas à ça. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, peut-être que tu ne sais même pas, tu marches à côté de plein de bombes, tu ne sais même pas si ça va sauter. Peut-être que ça va sauter demain, peut-être que ça va sauter dans 10 ans. Mais tu ne sais pas. Mais si Allah t'a épargné, c'est par sa grâce et c'est par sa miséricorde. Il faut être reconnaissant. Une pièce d'avion peut tomber. Puis elle tombe juste sur ta tête. Et tu meurs d'un seul coup. C'est par la grâce d'Allah que tu n'es pas frappé. Hein? Il y a tellement de choses, tu ne sais même pas qu'est-ce qui pourrait t'arriver. Les dangers qui sont autour de nous, ils sont tellement multiples. Ça prouve à quel point Allah, il nous protège. Hein? Et comment Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et ça fait partie de sa miséricorde. Hein? Donc on oublie tout ça. Et il y a des gens qui sont ingrats. Ils ne veulent pas remercier Allah. Allah leur donne de la nourriture, ils ne remercient pas Allah. Ils disent non, c'est moi-même qui l'ai trouvé cette nourriture-là. Je suis allé au supermarché, je l'ai acheté. Ce n'est pas Dieu qui me l'a donné. Hein? Donc, voyez l'ingratitude. C'est qui a créé la pluie? C'est qui fait tomber la pluie? C'est qui a créé le soleil? C'est qui a créé l'air? C'est qui a fait en sorte que ces légumes et ces fruits et ces herbes puissent pousser et que ces animaux puissent être nourris et que justement on puisse l'amener jusqu'à chez toi pour que tu puisses l'acheter? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une femme, dernièrement j'ai trouvé ce tweet qu'elle a écrit. Franchement, j'étais tellement en colère. Je vais vous lire qu'est-ce qu'elle a dit. Subhanallah. La pluie que Allah nous donne, c'est par la grâce d'Allah qu'elle tombe, cette pluie. Elle, c'est une femme qui se dit soi-disant islamologue. Elle s'appelle Raziqa Adnani. Elle dit dans un tweet, l'enseignant qui fait la prière de Istisqa avec ses élèves pour que Dieu leur donne la pluie ne développe pas chez eux les qualités morales et intellectuelles qui leur permettront demain de faire de la recherche scientifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être scientifique, il faut que tu sois kafir, il faut que tu sois mulhid, il ne faut pas croire en le fait que Allah, c'est lui qui fait tomber la pluie. Et que si tu fais salat al-istisqa, ça veut dire que tu ne peux pas étudier la science. C'est quoi cette idée-là? Comment ça peut, cette parole peut même sortir de la bouche de quelqu'un qui prétend croire en Allah ou croire en l'islam? Hein? La science, c'est uniquement d'étudier qu'est-ce que Allah a créé pour essayer de le comprendre. En quoi le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait la pluie et qui fait tomber la pluie et qu'on peut lui demander justement de la faire tomber pour nous, en quoi ça c'est en contradiction avec le fait d'étudier pour essayer de comprendre comment Allah a créé les choses et comment il fait, hein, comment il a fait la création pour essayer justement de le fait même de l'étudier, cette création, ça va justement augmenter ta foi. Et augmenter justement ta conviction, augmenter ta reconnaissance envers lui, et même augmenter ton adoration par la suite, puisque tu vas savoir à quel point hein, sa science est immense, sa sagesse est immense, sa puissance est immense. Mais pour ces gens-là qui ont la tête à l'envers, le cerveau, il est pas bien installé dans leur tête. Ils pensent aux choses, ils les voient à l'envers. Pour être croyant, pour être un scientifique, il ne faut pas être croyant pour eux. Il faut être mulhid, athée. Sinon, tu n'es pas un scientifique. C'est de l'égarement de penser comme ça. Donc, en quoi la reconnaissance et le fait d'être reconnaissant envers Allah empêche quelqu'un d'être hein, une personne qui essaie de comprendre et de voir comment Allah a créé les choses? Hein? Dans le passé, dans l'histoire, il y a eu des grands musulmans qui ont été des gens qui ont fait beaucoup de découvertes scientifiques et des découvertes techniques. Le fait de croire en Allah et de croire en sa religion et de croire que c'est lui qui contrôle la pluie, ça n'a jamais empêché hein, ces musulmans-là d'être des scientifiques et de connaître la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire. Et donc le cheikh, il dit, si le musulman il boit ou il mange, il reconnaît, il est reconnaissant envers Allah. Et donc, dans ce hadith, il y a l'affirmation de l'attribut que Allah est satisfait. Il a la satisfaction. Et, bien entendu, lorsqu'on affirme à Allah ses attributs, on le fait sans demander le comment et sans faire de comparaison entre la création et le créateur. L'agrément d'Allah, c'est l'agrément d'Allah. L'agrément des créatures, c'est l'agrément des créatures. On ne fait pas de comparaison ou on n'essaie pas d'imaginer ou de comparer ou de demander comment Allah agrée, comment il est satisfait. Hein? Il est satisfait tel que cela convient à sa grandeur, à sa perfection et à sa majesté. Et ça suffit pour nous. Et également, dans ce hadith, il y a le fait qu'il est légiféré de glorifier Allah lorsqu'on mange et lorsqu'on boit. Le hadith suivant, c'est un hadith qui est intitulé, ou le sujet s'est intitulé « Bayanu mada azamatillah », c'est-à-dire l'explication de l'étendue de la grandeur d'Allah. Et le cheikh, il dit « وَعَنْ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَأِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعِ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ لِلَّهِ تَعَالَى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات وتجرؤون إلى الله رواه الترمذي وقال حديث حسن قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي الصحيحين min hadith Anas. Ce hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi et dont une partie est rapportée par Al-Bukhari et Muslim selon Anas. Donc le hadith de Tirmidhi rapporté par Abi Dhar radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les cieux ont fait ils font un bruit. Un bruit comme quelque chose qui comme une plainte par rapport à quelque chose qui est lourd. Hein? C'est-à-dire qu'ils se plaignent ou ils font un bruit qui montre qu'ils sont en train de forcer par rapport à quelque chose. Et c'est certain que il dit c'est normal que ils aient ce bruit-là. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un endroit ou un espace de plus de 4 doigts, excepté qu'il y a un ange dedans qui s'est prosterné à Allah. C'est-à-dire que dans les cieux, dans tout l'univers, il n'y a pas un endroit qui dépasse un espace de 4 doigts, excepté qu'il y a un ange qui se prosterne. Et il dit, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est, les anges sont partout. Et il n'y a pas d'espace vide. Tout est rempli par les anges qui sont prosternés par Allah. Et il dit, et si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleuriez beaucoup. Et vous n'auriez même pas de plaisir avec les femmes dans vos lits. Et vous seriez sortis les espaces vides ou les grands espaces pour implorer Allah. C'est rapporté par Tirmidhi et la version ou la partie du hadith qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté selon Anas, si vous saviez ce que je sais, vous auriez pleuré, vous auriez ri peu et pleuré beaucoup. Hein? Le cheikh il explique, il dit, هذا الحديث حديث عظيم وفيه بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وفيه وصف لصوت السماء من ثقل ما عليها من ازدحام الملائكة وكثرة الساجدين. Donc il dit ça c'est un hadith immense et ça explique la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi la description du bruit que fait le ciel à cause de la pression, De à quel point les anges remplissent le ciel. Et le fait que les anges sont tous serrés les uns contre les autres. Et la grande quantité de ceux qui sont prosternés, les anges. Donc parfois les koufars ils disent, ils pensent que du fait qu'ils adorent pas Allah ou qu'ils obéissent pas à Allah, ils pensent qu'ils sont en train de faire un tort à Allah ou qu'ils sont en train de brimer Allah subhanahu wa ta'ala de quelque chose. Comme s'ils pouvaient faire du tort à Allah ou faire du tort aux croyants par rapport à ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous, et il n'a pas besoin d'eux. Hein? Et en réalité, il a tellement d'anges qu'il l'adore sans cesse, hein? Jour et nuit, sans arrêt, sans se fatiguer, sans se lasser, sans s'arrêter. Hein? Donc si c'était pour lui, il n'a pas besoin de nous. Hein? Mais c'est pour nous-mêmes. Si on adore Allah, c'est pour le bien qui revient à nous-mêmes qu'on le fait. Parce que c'est pour notre bien qu'il nous a prescrit cette adoration-là. Parce que nous, on en a besoin. Et il mentionne ensuite, le Cheikh dit, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, wa attati sama al-atit, huwa fil asl sawtu rahli, min thiqali ma alayhi. فإذا أثقل الراكب الرحل يصير له صوت يسمى بالأطيط من شدة التحمل والمراد هنا أنه صار للسماء صوت من شدة التحمل على الرغم من قوتها وسعتها من كثرة الملائكة الذين أثقلوها. Donc ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que les cieux ont fait un bruit. Et le bruit qui est mentionné en arabe, attit, hein, attit sama, ça vient du mot al-attit. Al-attit qui veut dire le bruit qui est à la base fait par la monture lorsque tu mets quelque chose sur une monture pour porter quelque chose qui est extrêmement lourd, eh bien, soit sur une monture ou bien soit sur une voiture ou sur quelque chose et que ça fait un bruit à cause du poids de qu'est-ce que tu as posé dessus. Hein, on entend ce bruit, c'est le bruit de quand quelque chose est trop lourd. Eh bien, on appelle ce bruit-là en arabe « al-atit ». Et qu'est-ce qu'on veut dire ici par ça, cette description ici, c'est pour dire que les cieux, malgré leur force et leur grandeur, parce que les cieux c'est vaste, et les cieux, il y a une force dedans, Allah les a créés avec une force. Et malgré cette force, hein, ils ont du mal à supporter la pression et le poids de la quantité des anges qui l'occupent, hein, qui occupent les cieux. Et il dit, wa qawluhu illa wa fihi malakun sajid, al malaikatu alamun min alim al ghaib, الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فهم خلق وجند من جند الله ولا أحد يراهم ولكننا نؤمن بهم والإيمان بهم هو أحد أركان الإيمان الستة كما قال يعني صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وقال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه أركان الإيمان ومن بينها الإيمان بالملائكة وهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى خلقهم الله من نور وخلق الجن من نار وخلق بني آدم من تراب فالجن والشياطين من عالم الغيب ولكن الله خلقهم من مارج من نار قال تعالى وخلق الجن من مارج من نار أي من لهب النار المرتفع وهناك مخلوقات كثيرة خلقها الله ومنها ما هو من عالم الغيب ومنها ما هو من عالم الشهادة ومن عالم الغيب الملائكة. Donc on va traduire ce passage-là. Le cheikh il dit que dans les cieux, dans le hadith, ça dit qu'il n'y a pas un espace de quatre doigts excepté qu'il y a un ange dedans qui est en train de se prosterner. Donc le cheikh il dit que les anges font partie du monde de l'invisible. Et il n'y a personne qui connaît le monde de l'invisible excepté Allah. Et donc les anges sont une créature. Ils font partie de l'armée, parmi les armées d'Allah. Il n'y a personne qui les voit. Mais nous y croyons. Hein? Nous croyons en les anges. Et de croire en les anges, c'est un des piliers parmi les piliers, les six piliers de la foi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous croyons Hein? Nous croyons, yani al-iman, la foi, ça consiste à croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier, et de croire en la prédestination, de ce qui a été prédestiné de bien ou de mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 285 dans Surat al-Baqarah, ils croient tous en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Et dans le verset 177 dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais la bonté consiste à croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc, ça, c'est les piliers de la foi. Et parmi ces piliers, il y a la foi en les anges. Allah les a créés et ils font partie d'une création que Allah a créée, qu'il a créée à partir de la lumière. Donc, les anges sont créés à leur source. La source de leur création, c'est la lumière. Et les djinns, eux, sont créés de feu. Et yani, les hommes, eux, sont créés à la base de la terre. La source de leur création, c'est la terre. Parce qu'Allah a créé Adam à partir de la terre. Et les djinns et les shayatins, les diables et les djinns, eux font partie d'un monde de l'invisible que Allah a créé à partir d'une flamme. Hein? Comme il dit dans le verset 15 dans Surat al-Rahman, et le djinn, Allah l'a créé à partir d'une flamme. Hein? Et il y a d'autres créatures que Allah a créées. Hein? Il y a beaucoup d'autres créatures que Allah a créées. Il y en a parmi ces créatures-là qui font partie du monde de l'invisible, d'autres qui font partie du monde visible. Al-Ghaib, c'est l'invisible. Al-Shahada, c'est le monde qu'on peut voir. Et les anges font partie du monde de l'invisible. Et peut-être que, par exemple, des fois, les scientifiques, les kuffars, ils disent, non, mais si les anges existaient, on pourrait les voir, on pourrait les sentir, on pourrait les toucher. Avec nos instruments. On a des instruments pour calculer ci, pour calculer ça. Maintenant, ils envoient des sondes dans l'espace. Et ces sondes-là, ils captent les rayons ultraviolets ou les rayons gamma ou je ne sais pas quoi. Puis, ils font des reproductions, des émanations d'énergie qui sont faites par l'univers pour essayer de voir ou d'avoir une image de la création à l'origine, comment elle était, ou des choses comme ça. Et la plus grande partie de qu'est-ce qui compose l'univers, jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Il y a cette matière qu'ils appellent la matière noire, ou même ils l'appellent la matière absente, parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pu déterminer qu'est-ce que c'est. Hein? Et ça compose plus que 85% de tout ce qui est dans l'univers. Vous imaginez 85% et ils ne savent pas ce que c'est. Hein? Donc, ils sont en train de construire toutes sortes d'appareils, hein? Des accélérateurs de particules. Et ça, c'est la grandeur presque d'une ville au complet qu'ils ont construit en dessous de la Terre. C'est un long tube circulaire comme ça, en forme de cercle. Et dedans, ils font circuler un électron à des vitesses très, très, très, très rapides. Puis, à un moment donné, ils font sortir un autre électron dans le sens contraire pour qu'il y ait une collision entre ces deux électrons. Et ça fait une grosse explosion. Yani, ils veulent faire des explosions comme, soi-disant, le Big Bang pour essayer de le reproduire. Pour voir qu'est-ce qui s'était passé, soi-disant, à l'origine, et voir les choses les particules qui apparaissent comme résultat de cette explosion-là, pour essayer de voir est-ce qu'il y a plus petit que l'électron. Et là, ils ont découvert plein d'autres sortes de petites particules plus petites que l'électron. Et là, ils essaient de comprendre et d'expliquer avec ça toutes sortes d'autres hypothèses et d'autres théories nouvelles sur la physique et ainsi de suite. Peut-être ils vont découvrir quelque chose, peut-être ils vont rien découvrir. À la kulli hal, n'empêche que il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des êtres, et quand il dit qu'ils sont invisibles, nous on croit qu'ils existent, même si on ne peut pas les voir, même si on ne peut pas les toucher, même si on ne peut pas les sentir. Même si leurs appareils ne sont pas capables de découvrir leur existence ou de sentir leur existence, soi-disant. Tout ça, ça ne veut rien dire pour nous parce que notre foi en ce que Allah nous a enseigné et ordonné, ça c'est notre conviction. Hein? Et celui qui ne croit pas aux anges, un jour il va les voir. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des mécréants, il y en a dans Surat Al-Furqan, et ça c'est un verset que j'aime beaucoup. Donc je vais vous lire ce verset-là. Donc, les mécréants, ils demandent toujours de pouvoir voir les anges. Et ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui n'espèrent pas en notre rencontre disent, si seulement on avait fait descendre sur nous des anges, ou si nous pourrions voir notre Seigneur. Donc ça c'est, Allah dit, en effet, ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes et ont dépassé toutes les limites de l'arrogance. Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour eux. Et ce jour-là, pour les injustes, les anges diront, un barrage totalement défendu, c'est-à-dire vers le paradis. Donc, tout ça pour dire, Yanni, hein? C'est dans Surat Al-Furqan. Le verset 21 et 22. Donc, tout ça pour dire, ils refusent de croire en les anges, hein? Mais le jour où ils vont le voir, au jour de la mort, au moment où leur âme quitte leur corps, les anges de la mort arrivent pour l'arracher de ce corps. Et à ce moment-là, ils vont voir les anges. Il sera trop tard pour eux. Hein? Ce n'est pas ce jour-là que tu te dis, « Ok, maintenant je crois, ça y est, hein? J'ai la foi. Hein? » C'est trop tard. Il fallait croire avant ce moment-là. Ce n'est pas quand tu vois toutes les choses là avec tes yeux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, yani, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ. Dans surat Qaf, on t'a retiré le voile, on t'a retiré la couverture qui te cachait du monde de l'invisible. Parce qu'au moment de la mort, le voile qui t'empêche de voir l'invisible, il est retiré. Et à ce moment-là, tu vois pour la première fois le monde du Raïb. Tu vois les anges. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est fini pour toi, le test. C'est comme quand, par exemple, tu es en train de faire ton examen, tu es à l'école. Quand l'examen est fini, on t'enlève ta feuille. C'est trop tard, tu ne peux plus rien écrire. Eh bien, le jour où on vient prendre ton âme, ton test, il est fini. On t'enlève le voile. Maintenant, tu vois. Et là, tu réalises. Hein? Tu te dis, ah, si seulement j'avais été croyant, si tu n'avais pas été croyant. Et si tu étais croyant, c'est là que tu te réjouis. Hein? Déjà, à ce moment-là, tu sais que qu'est-ce que Allah t'avait promis, c'était la vérité. Tu te dis, non, mais ça, ce n'est pas pareil. Parce que les prophètes, eux, Allah leur permet de voir les anges. Et ça, c'est les seuls qui peuvent voir les anges, c'est les messagers et les prophètes. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas seulement lui qui voyait les anges, les autres prophètes aussi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les anges, l'ange qui venait, Jibril, soit qu'il venait en forme humaine, hein, et ça c'est la majorité des temps, des fois, mais à deux occasions, il a vu Jibril dans son apparence angélique. C'est-à-dire dans sa vraie apparence. Et il a dit qu'à ces moments-là, il l'a vu à l'horizon et il a 600 ailes. Et avec un seul de ses ailes, il couvre l'horizon au complet. Donc ça, c'est la grandeur de Jibril, la vraie. Ça, c'est quand il n'est pas dans l'apparence humaine. En apparence humaine, il est tout petit. Eh ben, quand je dis tout petit, relativement petit par rapport à sa taille d'ange. Hein? C'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de le mettre de le faire prendre une forme qui est physiquement plus petite que son apparence réelle. Hein? Quand il est un être humain de la même taille que les êtres humains ordinaires. Mais quand il est un ange, il est immense. Donc les anges sont capables de prendre différentes formes. Donc c'est ça l'explication à ce sujet-là. Donc, je pense que le cheikh, il explique ça, il dit donc on doit donc croire aux anges. On va s'arrêter ici. Au prochain cours, on continuera l'explication et on ira dans plus de détails par rapport à ce hadith-là. D'accord? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين